La 20e édition de la Foire internationale printanière de Pyongyang se tient dans l'exposition des Trois Révolutions du 22 au 25 mai. Plus de 230 sociétés des pays et régions du monde, comme la République populaire démocratique de Corée, la Biélorussie, la Chine, l'Iran, l'Italie, l'Indonésie, le Vietnam, Cuba, Taipei de Chine et d'autres, y présentent leurs marchandises compétitives de haute technologie des domaines électriques, mécaniques, métallurgiques et alimentaires, de l'industrie légère, des matériaux de bâtiment, de la médecine et des transports.